Salut, c'est Tal, t'écoute mon nouveau son sur Radio Mixfloor. Radio Mixfloor. Un max de son dancefloor. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire. À chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Sommes-nous éveillés? Bienvenue, c'est Kev sur Before Dance Floor, merci d'être avec nous. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son Dance Floor. Allez, on va vous parler d'une nouvelle chose, évidemment, les amis. Je vous laisse deviner. Si. Un jour vous serez la merde. Les amis, on va parler de Pokémon. Et oui, pour les fans de Pokémon, bon, ça va être plutôt pour les filles, je pense, à part si Alex, le directeur de la libre antenne, aime. Pour les fans de Pokémon Go, c'est Pokémon. Enfin, de toute façon, c'est les mêmes Pokémon. On a trouvé des sextoys Pokémon. Et oui, les amis, on a trouvé pour vous, Radio Mixler et le Before Dance Floor ont trouvé des sextoys Pokémon. Donc, Alex, tu me tiendras un jour au courant ou pas. Voilà, si tu écoutes cette émission, tu me diras si tu aimes, parce que grâce à ça, tu vas pouvoir sentir Pokémon, tu vas pouvoir vivre Pokémon, et tu vas, voilà, tu vas vivre grâce à Pokémon, et j'ai envie de te dire, tu auras un effet Pikachu dans les fesses, j'ai envie de te dire, voilà. En tout cas, les amis, c'est le Before Dance Floor, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, vous allez apprendre des choses et n'importe quoi dans cette émission. Tout de suite, c'est Bob Sinclair avec Kev, on est là jusqu'à 21h, merci d'être avec nous. Someone who needs me.

can't stop the Le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. Faut me laisser, j'ai des rêves et des projets et je dois avancer sans regretter. Ça va aller. J'ai ma famille, j'ai le smile et j'ai la santé. Oh, je dois avancer. On a tous des peines de galères dans la tête. Tous les problèmes, moi je les jette. Tout pile dans toute la France, soyez les bienvenus tout le monde, je m'appelle Alex, on est parti ensemble jusqu'à 23h, ça se passe comme ça, du lundi au jeudi, Alex libre antenne, welcome tout le monde et bon début de soirée avec nous, merci à Kev, on retrouvera évidemment Kev pour demain, la petite dernière de la semaine et puis comme chaque jour je découvre l'équipe en même temps que vous, il y a Al qui est avec nous ce soir. Yes. Ça va bien Al? Toujours. Ah bah c'est bien, toujours avec sa petite queue sur la tête. Ça t'excite hein. Et il y a Quentin qui est avec nous, ouais, Quentin là. Qui a pris le casque de l'armée de terre ce soir, ouais. Chef de chantier. Hier c'était Automanier, bah ce soir c'est Quentin qui le prend, voilà. Exactement. Et puis tout d'orange vêtu ce soir, on a Jojo qui est avec nous. Ouais, salut, ça va? Ça va bien? Impeccable. Ouais, voilà. Il ressemble à Teletubbies. Bah et toi alors? Pas commencer lui. Bon, soyez bienvenus en tout cas jusqu'à 23h, Alex libre antenne. Ce soir on aura du foot, on aura Ligue des Champions. Ouais. Ah, on aura... Ouais, bah ça on peut s'en passer. Ah ouais, j'étais sur le micro, merde, ouais. J'ai pris le micro. C'est gentil. On aura Ligue des Champions, c'est ça? Ligue des Champions. On a qui ouais. Qui joue ce soir? On merci s'en pose une colle. Il y a bien vu que j'ai pas mon téléphone avec moi. Il y a Juventus, il y a la colle, la Juventus. Je vais faire les klaxons. Il y a Lyon qui joue ce soir aussi en Ligue des Champions. C'était quoi l'autre avant? Ah, ta gueule. Juventus. Le jeu pour tous. Il y aura Info Attox avec Quentin tout à l'heure. On aura le jeu des 5 mots dans quelques instants. On aura le coup de gueule de Jojo aussi dans moins de 3 minutes. Il fait que ça de gueuler, lui. Moi je gueule. C'est un gueulard, Jojo. Ce soir, le retour des pervers. Ah, ce soir, Quentin va se faire passer pour. Pour? Bah pour Charlotte. Pour Charlotte, oui. Vas-y, fais-le comme tu fais Charlotte. Oui, c'est Charlotte. Et bah voilà, il va bien. Ça donne pas envie, sérieux. Puis en plus, tu, quand tu regardes sa tête et qu'il le fait, et tu l'as dans le casque. Bah, je suis belle, non? Il sera passé pour Charlotte tout à l'heure, on appellera des pervers. On parlera aussi du sujet. On aura également. Bon, on aura un peu de tout. On appellera des hôtels, on parlera un petit peu des actus en ce moment. On parlera d'un Espagnol qui est devenu le mec le plus riche au monde. Il a dépassé Bill Gates. Ah oui. Ah là là. On en parlera évidemment tout à l'heure. Et puis bon, bref, en tout cas, une bonne émission en perspective. Vos messages, Alex Libre Antenne, hashtag partout. Et puis vos, comme chef d'habitude, votre journée, c'est bien d'habitude. C'était un mélange de chat et de comment ça va d'habitude. Comme chat d'habitude. Tout de suite, chabite, regarde, tu sais, ça peut pas l'empêcher. Bah tiens, on va commencer par toi. Ta journée s'est bien passée? Ah, très bien. Tout d'orange vêtu. On dirait que tu travailles sur le SANEF, sur les autoroutes là. Oui, Ah ouais, il me fait les lagages des branches là sur le côté. Ouais, c'est ça. Et moi, je ramasse les branches. Ah, ça a été ta journée? Oui, impeccable. Et bah voilà. C'est pas toi qui travailles sur la 16 là pour les migrants là, pour ramasser leur barrage du soir là. Et toi, il a fait chaud aujourd'hui. Hein. C'était dans toute la France, il a fait super chaud. Il a fait lourd. Culotte qui a collé. C'était humide. Quant à ta journée, s'est bien passé? Impeccable. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Oh, pas grand chose. Bah, déjà depuis 2 heures, il est ici à la radio. J'ai préparé l'émission. Ah, c'est ça. Al, ta journée s'est bien passée? Ouais, tranquille, ouais. J'ai bossé un peu pour la radio et j'ai été négocier un nouveau téléphone, donc normal. Ah bah. Qu'est-ce qui fait rire? Quel menteux. Alors qu'en plus, c'est vrai, non, c'est vrai. Ouais, il a juste déposé une adresse mail pour moi à la radio, c'est tout ce qu'il a fait. Non. Parce que tu vois, lui, pour travailler, il a juste déposé l'adresse mail. Machin, mais tu le vois sur Snapchat. Go rendez-vous radio. En rendez-vous radio. Eh non non, j'ai rien mis du tout en plus. Non. On mouille à la radio. Des fois c'est trop peur sur Snapchat. Hein. Des fois quand j'étais en émission tout seul avant que je fais des dédicaces et tout, il venait juste me faire un coucou avec une bouteille de vodka. Il venait juste me faire un coucou. Et marquer sur Snapchat. À la radio. Trop dur le boulot à la radio. Pourquoi tu précises avec une bouteille de vodka en plus? Jamais j'ai ramené une bouteille de vodka ici. Oh, parce que pas. Faites attention. Oh, si, la semaine dernière pour la première. Ok, j'avoue. Okay. Voilà, ça c'est pas moi aussi. À consommer avec modération. Toi, c'est en club, toi. C'est bon, là, on aura du gros son. J'adore ce son. Je kiffe. Hein. Je sais que je suis chiant avec ça, mais j'adore ce son. Maître Gims. Pile poil, de quoi quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis. Il est juste énorme. Ça arrivera tout à l'heure. De quoi tu parlais qui est énorme? C'est Maître Gibbs. Ouais, parce qu'il parlait de bif dans la musique.